بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز الانفراد بالخطيبة علما يقول بأننا ملتزمين والحمد لله؟ إذا بوز لا كيسيون الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: هل يجوز الانفراد؟ Est-ce que c'est permis de rester seul avec الخطيبة؟ الخطيبة c'est cette femme que l'homme il demande en mariage. Donc avant le mariage, al-khatiba, il a fait le khitba, il a demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen, est-ce que je peux rester avec elle, même avant le mariage? Et il a précisé à Cheikh Ibn Uthaymeen, ils sont multazimin, et ils sont accrochés à leur religion. Wa qawl al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma khala rajulun bimra'a illa wa kana shaytan thalithuhuma. Lakin alhamdulillah, indama najlis ma'a ba'dina al-ba'd ma'ana al-usra. Thumma, le questionneur, il a précisé, il a connaissance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme il est avec une femme étrangère et ils sont seuls, enfin le troisième c'est shaitan. Enfin, il a précisé, quand ils sont les deux, il y a toujours des membres de la famille. قال سواء من أسرتي أو أسرتها. إما des membres de la famille de sa future femme, إما des membres de sa famille. على كل حال, ils ne sont jamais seuls. قال ولم نفكر في الشيء بل في جلستنا وحديثنا معها أفيدونا بذلك. Donc ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymeen, est-ce que c'est permis? On répète et on résume, est-ce que c'est permis pour l'homme qui a demandé la main d'une femme, est-ce que c'est permis qu'il parle avec elle, qu'il reste avec elle, même si c'est pas seul, il y a des membres de la famille, est-ce que c'est permis via d'al-hal? Alors que c'est pas encore sa femme, ça deviendra sa femme avec l'aqd, avec le contrat de mariage. Donc avant l'aqd, c'est pas sa femme. قال Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, al-mar'a al-makhtouba, كغير المخطوبة في النظر إليها والتحدث إليها والجلوس معها. Il n'y a aucune différence entre المخطوبة وغير المخطوبة. Il n'y a aucune différence في شرع الله عز وجل. Et le fait de la voir, de parler avec elle, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça reste une femme étrangère. Même si elle est مخطوبة, même si cet homme, il a demandé la main à son wali et ils sont mis d'accord sur certaines choses, tant qu'il n'y a pas eu le mariage. Et on précise, le mariage, on a c'est l'aqd. Pourquoi? Parce que rien la walima peut être retardé de un jour, deux jours, une semaine après l'aqd. Et dans ce cas, bien sûr, c'est sa femme. Lakin, si l'acte de mariage n'a pas été fait, fi hadha al-hal, il n'a pas le droit. Qala, wa at-tahaddut ilayha wa al-julus ma'aha ay anna dhalik haram 'ala al-insan. C'est interdit hadha. Qala, illa an-nadhra bila khalwa idha arada khitbatuha. Il a le droit de la voir une fois. Hadha c'est permis. Ce que les ulama ils appellent un nadratu al-shar'iyya. Le Nabi sallam il a autorisé l'homme de voir cette femme étrangère. Pourquoi? Parce qu'il y a une maslaha azima. Est-ce qu'elle lui plaît pour qu'il se marie avec elle? Enfin, dans ce cas-là, il a le droit. Une fois qu'il l'a vue, il a pris sa décision. Elle lui plaît. Inch'Allah ta'ala, ça deviendra sa femme. Elle ne lui plaît pas. Il ne la demandera pas au mariage. Enfin, si elle lui plaît, قال شيخ العثيمين إذا أراد خطبتها وإذا كان رجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته والتحدث إليها فليعقد النكاح. صحيح. تدخل بعض الناس se complique les choses في الحقيقة. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال si elle lui plaît et il l'a vu et il demande la main à son père et son père il est d'accord et lui il est d'accord et la femme elle est d'accord, فقل fasse le عقد et ça devient sa femme. ثم بعد ذلك il a le droit de parler avec elle, il a le droit de rester avec elle, il a le droit de voyager avec elle, etc. Tu trouves بعض الناس ils se compliquent les choses. قطر مثلا il fait الخطبة aujourd'hui, النظرة الشرعية, dimanche, elle lui plaît, etc. Le mariage maintenant ils attendent 6 mois, بعضهم والله ils attendent 1 an après l'été, après Ramadan, et ça devient très très long et il y a une mashaqqa pour l'homme, ça devient difficile pour l'homme, pour la femme. ثم ce genre de questions, cet homme avec le wali de la femme, il s'organiserait et il prépare durant la semaine. Thumma, ils font l'aqd, ça devient sa femme, il a le droit de parler avec elle, etc. Thumma, kadhalik, il ne retarde pas trop le wali, mais alhamdulillah, ça ferme les portes à shaitan. Kadhalik, ça permet de ne pas rendre malade les cœurs avec ce genre de ma'asi. Et yahsul khayr kathir, c'est ça le but du mariage. Enfin, pourquoi attendre? Khassatan, ils sont d'accord. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ, on répète, وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِالْجُلُوسِ إِلَى مَخْطُوبَتِهِ وَالتَّحَدُّثِ إِلَيْهَا فَلْيَعْقِدِ النِّكَاحَ فَإِنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى امْرَأَةٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَهَا وَأَنْ يَخْلُوَ بِهَا وَأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَحَلَّ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ. صحيح. Il a le droit de la voir, il a le droit de parler, etc. C'est sa femme. قال فأما أن ينفرد بالمخطوبة ويقول أنا ملتزم وهي ملتزمة فإن هذا من غرور الشيطان وخداعه لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان. صحيح. Vous avez remarqué dans la question, il a dit ولا نفكر في شيء. أولا, on peut dire à ce questionnaire, comment tu sais si tu parles en ton nom, Anna, tu penses à rien? Qui c'est qui te garantit que cette femme, elle ne pense à rien? Et que dès que tu penses à rien aujourd'hui, une assise, deux assises, Allahu alam, qu'est-ce que tu vas penser, belle, qu'est-ce que tu vas dire, belle, ce que tu peux faire? Fallait hada fermer les portes. C'est pour ça que Cheikh Mouhtemin lui a rappelé, hada c'est pas sahih. Même si tu as étudié, même si tu t'accroches à la sunna, tu n'es pas à l'abri. Fa ferme la porte. Et on doit suivre la sunna. Fallait ne te vous servir hada. Je trouve que les gens à notre époque, ils étaient saoun. Il est assez certain qui suivent le sunna. Ils ont des faiblesses sur ça. Al-Khitba, avec un nadra, il l'a vu. Ça, c'est mashrou'. Il parle avec son wali. Ça, c'est mashrou'. Ils se mettent d'accord. Le wali l'accepte pour que ça devienne le futur époux de sa fille. Thumma yatawassa'oun. Les assises. Ça y est, les coups de téléphone. Ça y est, des choses. Ça ne fait pas partie de sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Ya ikhwan, barakatu az-zawaj c'est fi ta'atillah. Beaucoup de problèmes dans les couples, c'est à cause d'un manque de baraka et à cause de péché. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. On n'est pas à l'abri. فالحذر de contredire, de délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khassatan anna ce point, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité les choses pour ses serviteurs. Enfin, si tu veux vraiment lui parler, rester avec elle et tout, enfin, demande à son wali qu'il fasse l'aqd. Et l'aqd, c'est très très rapide, walillahi alhamd, fi sunnah. Tu lui demandes la main, il accepte, alhamdulillah, intahina, avec deux témoins, et c'est fini, c'est ça l'aqd. On parle pas, nous, aqd autre chose pour l'instant. Amma qadiyat, faire un aqd, le contrat dans un tribunal, ça dépend des pays, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Ça, c'est autre chose. Là, qui n'en parle, nous, s'il fait l'aqd al-shar'i et ils sont d'accord, c'est sa femme. Thomas, s'il prend la décision de s'enregistrer au tribunal, il a arrêté. Ça, c'est autre chose. Et à notre époque, maintenant, c'est devenu la norme. Qala, Cheikh Mouhtemin, rahimahullah ta'ala, قال لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا خلى بالمرأة لا سيما وأنها مخطوبته وأنه يعتقد أنها بعد أيام قلائل تحل له. صحيح. Encore plus dans ce cas. لماذا؟ لأنه il va rester avec elle, il va parler avec elle et il sait que c'est sa future épouse et il va se permettre certaines choses, etc. Il achète qu'un الشيطان ils vont profiter. Et comme من الناس ils ont fait des choses à cette période, ثم قدر الله أنه le mariage n'a pas pu avoir lieu et ça a fait d'énormes problèmes. فَلِمَادَ. Pourquoi ouvrir des portes dans le haram alors que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité des portes dans le halal. قال رحمه الله قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من بني آدم من ابن آدم مجرى الدم. Le شيطان il se déplace dans le corps de l'être humain comme le sang dans les veines. Tu n'es pas à l'abri. Le fait de se croire à l'abri, ça fait partie des ruses de Shaitan. Enfin, celui qui se croit à l'abri, enfin, qu'il n'ait aucun doute, un Shaitan, il est en train d'essayer de l'écarter. قَالَ وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ. Et pour résumer la réponse, قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ أَنَّهُ يَحْرُمْ عَلَى الْخَاطِبِ أَنْ يَتَحَدَّدْ مَعَ مَخْطُوبَتِهِ فِي الْهَاتِفِ أَوْ يَخْلُو بِهَا فِي مَكَانٍ أَوْ يَحْمِلَهَا فِي سِيَارَتِهِ وَحْدَهُ أَوْ تَجْلِسْ مَعَهُ وَمَعَ أَهْلِهِ وَهِيَ كَاشِفَةُ الْوَجْهِ. C'est ça le résumé. Il n'a pas le droit de parler avec elle, que ça soit directement ou au téléphone. Il n'a pas le droit de rester avec elle dans un endroit si elle ne porte pas le hijab, même s'il y a sa famille. Non, il n'a pas le droit de parler avec elle, c'est une femme étrangère, sauf dans certaines choses que l'ulama ici, toi, il a cette discussion entre époux et future épouse, avec tout ce que ça implique comme sourire, comme... Il n'a pas le droit de se déplacer avec elle seule dans sa voiture. Ça reste une étrangère à ce moment. Hatta la revoir. Intabihu, Cheikh Ibn Uthaymin قال, وَهِيَ كَاشِفَةُ الْوَجْهِ. Il a le droit de la voir une fois, et voir son visage découvert. عند الخطبة. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a autorisé. Est-ce qu'elle lui plaît, Amla? Ba'da dhalik, tant qu'il n'y a pas contrat de mariage, il n'a plus le droit de l'avoir. Même si on qaddar annahu, ça peut arriver annahu, il se rencontre, maintenant les familles, et robama, il y a une chose à demander, on qaddar. Même dans ce cas, même si s'il doit parler, il doit parler en compagnie de quelqu'un, et avec le minimum par rapport aux besoins, et sans voir son visage. C'est ça, sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله أيضا الشيخ ابن عثيمين وكذلك أيضا إذا رضيها وتمت الخطبة dans une autre fatwa فلا يكلمها قال انتهى الموضوع أي si elle lui plaît et il s'est mis d'accord avec son wali il a plus besoin de lui parler انتهى الموضوع c'est fini la prochaine étape c'est العقد l'acte de mariage et الحمد لله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض الخطاب يكلم خطيبته بالتليفون فتجده يجلس معها ساعات كثيرة يحدثها ثم الشيخ العثيمين لم يقعد contre هذا المنكر qui s'est propagé أن البعض مثلا il a demandé la main de telle fille et il a fait le khitba donc pardon il pense que خلاص c'est permis de lui parler etc tu les trouves il reste des heures au téléphone à notre époque encore plus avec tous ces moyens de communication c'est devenu très très simple tu les trouves ben, à notre époque c'est encore plus وبعضهم يسورت يفواياج اكسترا كانه سي سا فام alors que l'acte de mariage n'a pas encore été fait قال واذا قلت هذا لا يجوز المراه اجنبيه منك كيف تحدثها قال انظر مدى ثقافتها كيف تنظر مدى ثقافتها الست خطبتها ورضيت بها لا حاجه الى ثقافه نعم كلام طيب صحيح بعضهم quand ils sont conseillers ils disent لا mais كذا mais كذا Là, c'est pas ta femme, c'est une femme étrangère, la Yejouz, et ça s'arrête là. On doit faire attention de ne pas dépasser les limites. قال إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت. Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمه الله, il conseille si tu veux vraiment rester avec elle, voyager, lui parler, etc. Faites l'acte de mariage, ثم ça devient ta femme. قال أما أن تحدثها وهي أجنبية منك ولم يتم العقد فهذا لا يجوز وقد ابتلي كثير من الناس بهذا. أما tant que l'acte de mariage n'a pas été fait Selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme, ça reste une femme étrangère, va lui parler encore plus, voyager ensemble, etc., rester en son compagnie, tout ça c'est haram. قال وقد ابتلي كثير من الناس بهذا. Ça c'était à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymeen. في بلاد الخير, بلاد السنة والتوحيد. أما à notre époque, et في بلاد الفتن وبلاد الفسق, et l'iman il est ضعيف عند كثير من الناس. Tu entends des histoires, فنسأل الله العافية. قال فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها ليلة كاملة تذهب والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلا فنحذر من هذا. صحيح. بعضهم veulent tuer le temps, ils se font que du mal. Toute la nuit en train de parler avec هذه المرأة هذا المسكين وهذه المسكينة ils ont oublié, ils ne savent pas est-ce que le lendemain ils vont être encore en vie ام لا. Est-ce qu'ils vont mourir sur ce péché, Amla? Sahih, et هذا الأمر, ça fait que du mal. L'insan, c'est un bachar. L'être humain, c'est un bachar. L'homme et la femme. Le fait de parler, khasatan, كما قال شيخ ابن عثيمين, tu sais que c'est ta future épouse, ça peut te donner certaines envies, et à la fin, tu te fais beaucoup de mal. انظروا, السبب, تعلمون, c'est quoi de tout cela? كما تقدم, c'est le fait de repousser le mariage. Là, la question qu'on peut se poser, pourquoi le mariage, il est repoussé? Vous savez pourquoi? On se complique les choses nous-mêmes. Et on rend les choses difficiles. Pourquoi les Annalbard, ils veulent que le mariage soit de telle façon, ils font inviter un tel, et ils regardent les autres ce qu'ils pensent, pour retarder tout cela, pour que Haoula, il vienne dans 6 mois, dans 1 an, et lui, il se fait du mal. Ya akhi, pense à toi, Fihad al-Hal. Tu vis dans une époque de fitna. C'est pour ça que le ulama, il conseille, il y en a si cette femme, elle te plaît, et tout est d'accord, walillah ilham, enfin, marie-toi, n'attends pas. N'attends pas, Haoula, que tu veux attendre, que tu veux, pardon, il veut l'impressionner avec une cérémonie, avec Madri, et Robama, Ta'aboun Kathir, une longue attente, beaucoup d'argent dépensé, et à la fin, les critiques. Annas, beaucoup parmi eux à notre époque, la yarhamoun. Enfin, fais tout pour satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais tout pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vu que tu es un être humain et tu as besoin de ces choses, fais ces choses dans le halal, et tu verras que ça va te reposer. Ça va reposer ta future épouse, belle ton épouse après l'acte de mariage. Et alhamdulillah, tu seras fi khair wa afiya. Fa al-qawl as-sahih c'est hada. Al-qawl as-sahih, il n'y a aucun doute, c'est hada. Pour fermer la porte, et on a lu ces deux fatwas de Cheikh Ibn Uthaymeen, la première dans Nour al-Darb, la deuxième dans Majmou' al-Fatawa. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. Et on avait, والله الحمد, fait des cours sur les règles du mariage. Et نسيت, est-ce qu'on avait cité ce point أم لا؟ حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب.